Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui une histoire, Michel Brault, le poète de l'image. Si vous n'aviez pas fait de cinéma, qu'est-ce que vous auriez fait dans la vie? J'aurais peut-être été architecte. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours la difficulté avec les mots et c'est probablement pour ça que j'ai de la facilité avec les images. Contrairement à Pierre Perrault, qui lui a eu beaucoup de facilité avec les mots et un peu plus de difficulté avec les images. Alors quand on travaillait ensemble, on s'amusait bien, on faisait chacun notre part du travail. Michel Brault, au micro de Minou Petrovski à l'émission Les Belles Heures en octobre 1986, véritable poète de l'image, Michel Brault est pleinement conscient du fait qu'il manie mieux les images, justement, que les mots, et toute sa carrière tournera autour de la fabrication d'images, mais d'images ô combien parlantes. Caméraman, directeur photo, réalisateur, même producteur, le nom de Michel Brault sera durant plus de 30 ans associé aux films les plus majeurs qui seront tournés au Québec. Michel Brault, qu'est-ce que vous faisiez dans Aurore, l'enfant martyr? Moi, j'étais le dernier assistant. J'étais, en fait, j'allais chercher des cafés. Je m'occupais surtout, par exemple, j'avais la charge de Yvonne Laflamme. J'ai pas eu une participation très intense, mais c'était ma première expérience quand même. C'est la première fois que j'étais sur un plateau, que je pouvais circuler sur un plateau. Mes premiers contacts avec la technique. J'ai rencontré là des gars qui aujourd'hui sont tous dans la télévision, dans le cinéma ou dans la radio. Est-ce que vous l'avez revu récemment? Oui, je l'ai vu et j'ai bien ri. Je trouve ça très drôle et puis en plus... Enfin, on rit, mais aussi on comprend que ça exprime inconsciemment nos complexes et une certaine réalité du pays. Michel Brault, à l'émission « Six femmes savaient » en octobre 1968, pour retracer le parcours de la très riche carrière de Michel Brault, mon invité est André Lavoie, critique de cinéma au devoir, ami de l'émission. André Lavoie, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle importance il a, si on peut résumer ça rapidement, dans l'histoire du cinéma québécois, Michel Brault? Une importance majeure parce que c'est un des fondateurs du cinéma direct qui va avoir une influence capitale sur le cinéma québécois. C'est aussi un homme orchestre, quelqu'un qui est à la fois scénariste, producteur, chef opérateur, réalisateur, un touche-à-tout, un homme extrêmement curieux, à la fois curieux des gens et aussi curieux de la technique. Et c'est pour ça aussi qu'il a développé des techniques qui vont rester marquantes pour le cinéma québécois parce qu'il n'était pas seulement passionné dans l'idée de raconter des histoires, mais la façon de les raconter avec la caméra. Ouais. Mais parlons-en de cette façon de raconter, le style Brault, mais plus que le style, au fond, peut-être les qualités de cet homme de l'image, de ce poète de l'image. Qu'est-ce qui fait la force de Michel Brault, André Lavoie? Pierre Perrault l'a résumé en une phrase. Il dit « Un œil qui entend les visages, une oreille qui voit les paroles. Ouais. » Et je pense que ça résume parfaitement l'approche de Michel Brault, cette manière empathique, curieuse, désintéressée qu'il a d'observer ses contemporains et de le faire dans le respect. D'ailleurs, il disait, à une époque, il travaillait avec le Téléobjectif pour une émission de télévision où il traquait un peu les travers et les bêtises que les gens faisaient. Il se rendait compte que de les filmer de loin, c'était leur manquer de respect. Mmh. Alors, en développant d'autres techniques, en s'approchant des gens, en étant à leur écoute, en les regardant vivre, il développait peu à peu une manière beaucoup plus humaniste de faire du cinéma. Tout ça en fabriquant des images d'une beauté remarquable. Oui, on le voit dans beaucoup de films qu'il a fait comme réalisateur, comme co-réalisateur, les films de Pierre Perrault, on y reviendra, mais aussi tous les films majeurs du cinéma québécois pour lesquels il était chef opérateur. Ouais. On pense à Kamouraska, de Claude Jutras, Mon oncle Antoine, Les bons débarras de Francis Mankiewicz, des exemples de films où la signature visuelle de Michel Brault est incontournable dans le succès artistique de ses films. Mmh. Il y arrive comment au cinéma? Il y arrive d'une manière un peu étrange, c'est-à-dire qu'il réalise très tôt qu'il n'est pas très bon à l'école, qu'il n'est pas très fort dans l'écriture. On l'a entendu dans l'extrait, il est très lucide par rapport à ça. Une petite anecdote, à l'école primaire, l'enseignante lui demande à la classe de faire un portrait d'un chat. Portrait littéraire, mais lui comprend un dessin. Alors, il dessine un chat. L'enseignante l'a humilié devant toute la classe et Il raconte souvent que cet incident-là l'a un peu inhibé par rapport à l'écriture et que toute sa vie, dans le fond, il aura de la difficulté à écrire un peu à cause de cet incident paralysant. Ouais. Mais il a parallèlement développé assez rapidement un goût pour l'image, d'abord pour la photo. D'ailleurs, il va travailler entre autres comme photographe, photographe mercenaire pour des mariages, entre autres, mais à la rencontre de Claude Jutras au collège Stanislas et plus tard ensemble dans des camps de scouts. Ils vont travailler ensemble au premier film de Claude Jutras et Michel Brault va le répéter souvent. Claude Jutras, ce sera la première personne qui va finalement pas tout lui apprendre du cinéma, mais en tout cas beaucoup. Oui. Et les premières expérimentations cinématographiques que Michel Brault va faire, c'est avec Claude Jutras dans des films comme Le démon du lac Jean-Jeune et Mouvement perpétuel. Oui. Et puis, il y aura, on entendait en parler au tout début de l'émission, il y aura Aurore, le tournage d'Aurore un peu plus tard. Tout à fait. En fait, dans ce film-là, ce qu'il va apprendre, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire au cinéma et en fiction. Ce côté très lourd, éclairage un peu travaillé, une lourdeur aussi dans la mise en scène. Et toute sa carrière, dans le fond, en tout cas, du moins la bonne partie, ça sera de se dégager de cette lourdeur. Il arrive à l'ONF. Évidemment, ça sera très, très important pour lui. L'ONF, il arrive là en 56. Dans quelles circonstances? En fait, il arrive au moment où l'ONF est encore à Ottawa. Il va avoir un stage de caméraman où il n'apprendra pas grand-chose. Enfin, il va apprendre des choses, mais il ne fera pas grand-chose. C'est davantage au moment où l'ONF va déménager à Montréal en 1956, où là, il va devenir caméraman et il va se rendre compte assez tôt de la domination des anglophones sur l'institution et l'étouffement des francophones dans cette institution-là. Alors, Michel Brault, c'est du genre à ruer dans les brancards. Il va le faire. Et le coup de semonce qu'il va donner pour justement permettre aux francophones de prendre leur place à l'ONF, c'est grâce à un film qui s'appelle Les Racketeurs, qui est ce qu'on appelle l'acte fondateur du cinéma direct, mais aussi, j'appellerais ça, un acte de résistance des créateurs et des cinéastes francophones à l'ONF dans cette institution qui est davantage dominée par les anglophones. Et ce film-là va pour lui-même aussi être important parce que c'est par là, par exemple, c'est par ce film que Jean Rouch, avec qui il va travailler en France, va remarquer Michel Brault. Tout à fait. Il voit ce film et Jean Rouch se rend compte à quel point Michel Brault a réussi à libérer la caméra, à aller devant des gens qu'on ne voit jamais et qu'on n'entend pas. Il faut quand même souligner que Les Racketeurs, on appelle l'acte fondateur du cinéma direct, mais ce n'est pas du cinéma direct à l'état pur. Ce n'est pas encore une caméra légère, le son n'est pas synchrone. Michel Brault travaille avec une caméra 35 mm. Marcel Carrière, qui s'occupe du son, arrive difficilement à synchroniser un son. On entend le maire de Sherbrooke parce que le film raconte essentiellement un congrès, un rassemblement de racketeurs, une fin de semaine d'hiver. Et c'est toutes sortes de petits moments. En fait, c'est une journée dans la vie de cet événement-là. Et donc, ce sont les bases, mais ce n'est pas exactement du cinéma direct à l'état pur. Mais Jean Rouch remarque l'aisance, le côté décoincé et l'approche très, très, très humaine, très respectueuse et en même temps, il observe et il observe de très, très près. Ouais. Donc, ça pour Jean Rouch, c'est un cinéma qui, en France, ne se fait pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'il va demander à Michel Brault de venir l'aider sur un film qui s'appelle Chronique d'un été, une espèce d'observation sociologique du bonheur. Et il va voir en Michel Brault quelqu'un qui est capable de s'approcher et d'être à l'écoute des gens pour parler de ce sujet. Et ce sera important pour l'un et l'autre, en fait. Autant Rouch remarque ce jeune, talentueux Michel Brault et veut travailler avec lui, autant, évidemment, Brault, en travaillant avec Jean Rouch, observe aussi beaucoup parce que c'est l'un des pères du cinéma vérité, du cinéma direct, Jean Rouch. On écoute Michel Brault parler justement de Jean Rouch à l'émission Carrefour en 1961. Mais voilà, c'est surtout une question technique. Il faut dire que Rouch a découvert un gars à Paris qui a fait une caméra, qui est tout à fait nouvelle, qui est une toute petite caméra portative, et avec laquelle on peut enregistrer du son. Jusqu'à date, le cinéma qu'on faisait était plutôt de l'actualité, c'est-à-dire qu'on travaillait de la même façon que les nouvelles. On filmait les gens un peu à leur insu, ou on arrivait à faire des films comme ça en ramassant des images un peu partout. Mais c'était toujours des images silencieuses. Et un jour, Rouch a voulu employer une méthode beaucoup plus avancée, c'est-à-dire de mettre le son sur les gens et de les laisser vivre. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous, on ne vit pas, là, on se parle. C'est une interview organisée, mise en scène, etc. On fait de la mise en scène. Bon, on fait de la mise en scène. Le jour où on a pu arriver à libérer la caméra de sa grosseur, de son trépied, et d'en faire une caméra qui pouvait prendre le son en même temps, on a pu, à ce moment-là, laisser la vie se dérouler devant la lentille. Fascinant cet extrait parce qu'on voit bien que Michel Brault, c'est une leçon de cinéma vérité qu'il reçoit avec Jean Rouch. Mais ce qui est encore plus beau, plus fabuleux, c'est que lui va porter le ballon plus loin encore. Là. Il va pousser cette démarche du cinéma vérité encore plus loin. Mais il va le faire avec d'autres cinéastes qui ne partagent pas nécessairement toutes les mêmes passions techniques et la même curiosité que lui, mais de s'associer, par exemple, avec quelqu'un comme Pierre Perrault, qui, évidemment, est dans un univers beaucoup plus poétique, un univers plus littéraire. D'ailleurs, Michel Brault va souvent dire qu'il était un peu inconfortable avec le caractère littéraire de l'ONF, alors que lui, c'est toujours considéré comme un homme de l'image. Mais il s'est associé avec des cinéastes qui, dans le fond, faisaient des duos qui se complétaient parfaitement, ouais, justement ouais. Parce que lui avait à la fois ce souci de l'humain, mais aussi ce souci de l'image. Et ça va donner cette collaboration avec Pierre Perrault de très, très grands films pour la suite du monde. Pays sans bon sens, L'Acadie. Tous des films qui sont marqués par à la fois des sujets d'actualité, comme dans le cas de L'Acadie, ou de l'observation plus sociologique. Ouais. Mais dans tous les cas, l'humain est au premier plan. Et il y a un regard très, très, très, très, très précis, très méticuleux sur les choses qui se passent devant la caméra. Bien, parlons-en de ce regard, parce qu'au fond, quand on regarde ces chefs-d'œuvre, qu'est-ce qui appartient à Brault dans ces films-là? Ce qui appartient à Brault, c'est la capacité technique, justement, de faire jaillir la vie. On a déjà abondamment parlé de Pour la suite du monde, mais c'est un exemple emblématique d'un sujet d'abord porté par Pierre Perrault, mais les personnages, eux, qui décident de faire la pêche au marsouin, c'est une idée des cinéastes, mais pour que cette idée jaillisse, il a fallu que les cinéastes leur soufflent à l'oreille cette idée-là. Ouais. Et à partir de ce moment-là, toute l'organisation qui est mise en branle est observée par les cinéastes, mais avec des techniques. Il y a un moment dans Pour la suite du monde où un des personnages traîne le fil du micro de la caméra et on le voit très, très bien à l'image, sauf que tout ça est fait d'une façon extrêmement fluide, extrêmement naturelle et on a l'impression que c'est la vie qui jaillit devant nous et que les conversations sont tout à fait banales et que s'inscrivent dans l'ordre des choses et ce qui est assez formidable aussi dans ce film-là et dans d'autres films documentaires de Michel Brault, c'est que les personnages finissent par oublier la caméra. Et Michel Brault disait souvent, le moins de gens on est dans une équipe technique de cinéma pour faire un documentaire comme ça, le mieux c'est. Mm-hmm. Parce que tout l'attirail cinématographique fait en sorte que la légèreté disparaît, le naturel disparaît. Et lui était capable de se faire discret, de se fondre, tout en étant capable de maîtriser parfaitement les éléments techniques pour donner une impression de réalisme. Mm-hmm. Il va décider, donc ce sera un maître du documentaire avec Perrault, mais autrement aussi, c'est vraiment quelqu'un qui sera très, très, très marquant dans le cinéma documentaire d'ici, qui sera très, très marquant dans l'histoire de l'ONF. Et pourtant, à un moment donné, il décide qu'il se tourne vers la fiction, vers le cinéma de fiction. Il abandonne le documentaire comme réalisateur. On l'écoute en parler de cet attrait que va avoir, à un moment donné, la fiction pour lui. Extrait de l'émission « Trajet et recherche » en juin 1991. Cette frontière qu'il y a entre la fiction et le documentaire, elle m'a toujours fasciné, depuis 5-6 ans, mettons depuis 1980. J'ai fait tellement de documentaires et puis j'étais fasciné par le cinéma de fiction au point que je propose moins de sujets de documentaires aujourd'hui. J'ai envie de faire de la fiction pour les années qui me restent à vivre. Puis j'ai envie de vous citer une petite phrase que j'ai lue en 1980 qui vient d'Edgar Morin. Nous devons le savoir, le cinéma de fiction est dans son principe beaucoup moins illusoire et beaucoup moins menteur que le cinéma dit documentaire. Parce que l'auteur et le spectateur savent qu'il est fiction. C'est-à-dire qu'il porte sa vérité dans son imaginaire. Par contre, le cinéma documentaire camoufle sa fiction et son imaginaire derrière l'image reflet du réel. pourquoi il décide... C'est beau ce qu'on vient d'entendre. Je pense qu'il y a un élément de réponse déjà, mais pourquoi il décide, à un moment donné, Michel Brault, de se tourner vers la fiction, ce maître du documentaire qu'il a été? Un autre cinéaste a déjà dit que, comme documentariste, il s'est rendu compte à un moment qu'il ne pouvait pas entrer dans la chambre à coucher de ses personnages. Alors, c'est pour ça qu'il avait décidé de faire de la fiction. Ouais. Et ça semble une boutade, mais ça ne l'est pas dans la mesure où la fiction permet des libertés que le documentaire ne permet pas. Il y a un seuil sur lequel on ne peut pas, passer. Alors, Michel Brault a compris lui aussi que s'il voulait évoluer comme cinéaste ou explorer des sujets différemment, il devait se tourner vers la fiction tout en ancrant la majorité de ses films de fiction sur des sujets d'actualité, des choses réalistes, des témoignages, comme il va le faire, par exemple, dans Entre la mer et l'eau douce, où en 1967, il s'inspire de la vie, de la carrière de Claude Gauthier, mais il en fait un film de fiction avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments réalistes et biographiques. Et cette méthode-là va culminer, à mon avis, dans un de ses meilleurs films, qui s'appelle Les Ors, tourné en 1974, où là, à partir de nombreux témoignages qu'il va recueillir de gens qui se sont fait emprisonner pendant la crise d'octobre, il va concocter une fiction d'un réalisme saisissant. On l'écoute, justement, Michel Brault, nous parler de ce film Les Ordres, mais de cette préparation qui, au départ, est associée à cette démarche qu'a le documentariste, mais qui va donner de la fiction, parce que c'est avec la fiction qu'il pourra aller plus loin encore, cette fois-là, non pas dans la chambre à coucher, mais dans les cellules, et dans l'émotion, en fait, dans l'émotion humaine. Extrait de l'émission Appelez-moi Lise, le 11 septembre 1974. On s'est entendu parler de ça, toi, que paraîtrait que l'armée est en ville. Un pouvoir qui, pris de panique, découvre son vrai visage. Les Ordres. Un film qui montre ce qu'on a caché et dit ce qu'on a tué. Je veux dire, ce truc, c'est pas un film sur les événements, mais c'est un film plutôt sur l'humiliation que ces cinq personnes le vivent et qui est un peu ce que 450 personnes ont vécu en prison en octobre 70. Parce que ça, on ne l'a jamais dit. On ne l'a jamais raconté. Et je sais pas qu'est-ce qui a fait que très peu de ceux qui sont allés en prison l'ont raconté. Il n'y a pas eu beaucoup de livres décrits là-dessus. Et moi, j'ai eu, par hasard, je faisais une recherche pour l'ONF à ce moment-là sur l'intolérance. Et j'ai cherché dans ce milieu et je me suis trouvé dépositaire de 50 témoignages. J'étais allé voir des gens dans quatre régions différentes. 50 témoignages de personnes qui étaient allées en prison. Ils m'ont raconté ce qui leur est arrivé et je ne pouvais pas croire que ça pouvait exister. Mais c'est à partir de moi-même, qui étais un personnage assez informé, là, si vous voulez, je ne pouvais pas me douter que ça avait pu exister dans nos prisons. Et j'ai décidé qu'il fallait le dire, le raconter. Quoi est-ce qu'on nous garde ici, hein? Les Ordres, c'est un film important à la fois pour Michel Brault, André Lavoie, mais pour notre cinématographie nationale. Pourquoi? C'est un film important parce qu'on a là une éclatante démonstration de ce que c'est que la mise en scène. Le film s'est fait à petit budget. Comme tous les cinéastes, Michel Brault a dû faire des choix. Et cette idée, en fait, cette incapacité de pouvoir tourner tout ce film en couleur, c'est devenu un avantage parce que, bon, il s'est dit « j'ai pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que je vais faire pour illustrer ce film, cette histoire? » Alors, il fait le choix assez audacieux de tourner toutes les scènes de prison en couleur et tout le reste, tout l'extérieur en noir et blanc. Ce qui était déjà assez étonnant. Ouais. En plus de ça aussi, le film est marqué par cette idée de la distanciation, c'est-à-dire que tous les acteurs qui se présentent au début du film se nomment, dire « je m'appelle Louis Foresti, je m'appelle Jean Lapointe et je vais interpréter tel personnage » pour dire aux spectateurs, au fond, ce que vous allez voir, c'est à la fois une fiction, mais c'est aussi incarné. Le film a remporté quand même le prix de la mise en scène au Festival de Cannes, ce qui n'est pas rien. Et il va surtout, comme Michel Brault le dit, que le film est exemplaire à cet égard, sur le drame humain. Oui. Personnel qui a été vécu à cette époque-là. D'ailleurs, c'est un reproche qu'on va faire au moment de la sortie du film à Michel Brault en disant « Vous ne questionnez pas les causes, les raisons qui ont poussé un État totalitaire à faire ça. Vous nous montrez, dans le fond, le résultat de cette dérive, mais vous n'expliquez pas les causes, les racines. » Alors, lui, encore une fois, je suis proche de l'humain, je veux raconter des histoires, je veux témoigner. Ouais. Et c'est pour ça que le film a encore, à mon avis, une dimension universelle, parce que les dérives d'un État totalitaire, on voit ça tous les soirs nouvelles encore. Puis il faut dire aussi, s'il faut en rajouter une couche à sa décharge, on est très proche, là, 74, il n'y a pas de recul, mais on peut témoigner de ce qui s'est passé humainement, mais on est très, très proche encore de l'événement. Tout ce que vous me dites, cette démarche, ce moteur qui l'amène à faire les ordres, cet homme dont vous me parliez avec Perrault, qui part à la rencontre de ces personnages de l'île aux Coudres ou d'ailleurs, à l'écoute, ça nous donne envie d'en savoir un peu plus sur qui il était, Michel Brault, comme homme. Quel genre d'homme était-il? Bien, c'est un homme extrêmement passionné. C'est un homme, évidemment, comme toute personne passionnée, un peu bouillant. Il y avait parfois des rapports assez difficiles. Certains cinéastes ont dit que lorsqu'il était à la caméra, il y avait parfois la tentation d'être un peu réalisateur, mais je crois que c'est normal. C'est quelqu'un qui était très passionné de technique. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'on pourrait imaginer que Michel Brault cultivait peut-être une certaine nostalgie par rapport aux 16 mm, par rapport au tournage léger. Mais lui, il était extrêmement... Dès que la vidéo est apparue, dans les années 90, il a fait les documentaires en vidéo, il était fasciné par les possibilités du numérique. Il n'a jamais, jamais, jamais cessé de s'informer et de rester curieux à l'égard de l'évolution des techniques cinématographiques, parce que pour lui, c'était de nouvelles façons de raconter des histoires. Ouais. Alors, en plus aussi, lui ne dénigrera jamais la télévision. Il va en faire. Il va faire de nombreuses séries documentaires. Il va faire des téléfilms, dont certains avec Geneviève Bugeaud, comme Les Noces de papier, qui va s'avérer pas un téléfilm, mais un excellent film, ouais. Un très beau film, ouais. Fait avec des petits moyens, mais tout à fait magnifique. Et donc, jamais il ne va cesser d'évoluer à travers ce milieu-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut en retenir de cette œuvre, de cette démarche de Michel Brault, quand on pense, par exemple, à l'héritage qu'il va nous laisser? Je pense que cette idée de curiosité, de cette capacité d'évoluer avec son temps, sur le plan technique, mais aussi sur le plan social, cette façon qu'il a d'observer le réel, de s'intéresser à des personnages anonymes ou inconnus. Ils veulent souvent le faire dans des documentaires, dans des fictions très, très, très documentées, justement, sur des problèmes d'actualité, des problèmes sociaux. Ce côté homme-orchestre aussi, comme je soulignais au début, d'être à la fois producteur, ouais. Chef opérateur, réalisateur, scénariste. Et qui sera partout, là. Oui. Tous les films importants, pendant quoi? 3-4 décennies, Michel Brault. 200 productions. Ouais. 200 productions québécoises où le nom de Michel Brault apparaît quelque part, sans compter les films qu'il a tournés à l'étranger avec d'autres cinéastes. Ça prouve le côté, je dirais, impressionnant, ouais. Monumental. De Michel Brault. André Lavoie, critique de cinéma Devoir, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, André. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.